En Corée, diverses unités d'activité ont construit les fresques en mosaïque représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il, ainsi que leurs portraits en sourire. On a érigé la fresque en mosaïque qui représente les portraits en sourire des grands leaders à la raffinerie de Munpyeong de la province du Gangwon, la fresque en mosaïque représentant les grands leaders qui inspectent les champs dorés des fermes avec un large sourire aux fermes coopératives maraîchères de Taesong de l'arrondissement de Taesong et de Seomul de l'arrondissement de Ryokpo de la ville de Pyongyang. En outre, a été mise sur pied la fresque en mosaïque montrant les grands leaders qui ont consacré tout pour fournir suffisamment d'œufs et de viande à la population au centre d'élevage de poules de Mangyongdae. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu sur place.